Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM que j'ai intitulée « Assurant chômage, l'austérité ». Une fois de plus, les chômeurs vont voir leurs prestations se restreindre. Pas seulement les chômeurs indemnisés, les plus aisés, mais aussi les plus modestes, et surtout les salariés les plus précaires. Ceux qui constituent une masse importante d'une main-d'œuvre Kleinex, sous contrat, plus ou moins court. Le chômage a peut-être diminué, mais la précarité des emplois a augmenté. De surcroît, les stages dits parking se sont multipliés, ainsi que les radiations de Pôle emploi. Enfin, il faut examiner les chiffres officiels avec une certaine méfiance, puisque l'on sait. Encore faut-il le dire, que nombre de chômeurs ne sont pas officiellement recensés. Et ça ne correspond pas au nombre réel de chômeurs. Tout est fait pour minimiser les chiffres. La France n'a pas le seul privilège de ce système. De plus, une certaine reprise, basée sur la consommation des ménages, est forcément fragile. Même si le phénomène est européen. On oublie de le dire afin de vouloir démontrer une prétendue efficacité d'une politique économique macronienne qui a dû donc lâcher un petit lest face à la colère des gilets jaunes et des retraités. Cette politique ultralibérale, n'en déplaise à ceux qui estiment qu'il ne s'agit pas d'ultralibéralisme et qui a pire ailleurs. Mais comment caractériser cette philosophie basée sur l'économique, qui ne tient pas compte des besoins du plus grand nombre et privatise à tour de bras? Parlons justement des privatisations et de leur côté néfaste sur l'emploi. Le gâchis Alstom est bien là pour nous faire prendre conscience que des pans entiers de notre économie sont en danger. Y compris des industries de pointe. Alstom s'est distingué par ses recherches sur la pile à combustible en lien avec l'Université de Belfort. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est vrai, les États-Unis qui risquent d'hériter de ces recherches fondamentales. Aujourd'hui, General Electric licencie. Mais n'était-ce pas prévisible? En confiant aux capitaux américains que Trump veut rapatrier, un secteur essentiel pour notre indépendance économique, n'a-t-on pas joué perdant? Un autre secteur vital est la possession des aéroports parisiens, que Macron et sa bande veulent vendre au plus offrant. Sans vouloir être par trop nationaliste, on ne peut s'empêcher d'être inquiet sur l'avenir des aéroports. Ce sont des biens publics que l'on va brader au privé, alors que ces structures génèrent des bénéfices. À ce propos, je signale qu'un référendum d'initiative populaire est en préparation, il est en route même. Bien évidemment, c'est assez compliqué à mettre en ligne, mais le jeu en vaut la chandelle, ne serait-ce que pour contrecarrer par 4,5 millions de votes contre la privatisation, le vote favorable, celui-là des parlementaires et des députés de la France en marche arrière, permettez-moi de le dire. Mais je reviens à nos chômeurs maltraités. Dans la rubrique « Il y a pire ailleurs », nos observateurs et autres chroniqueurs politiques vont pas manquer de se mobiliser médiatiquement pour Macron et son gouvernement. Ceci afin de comparer le sort prétendument enviable des chômeurs français. Enfin, ceux qui sont indemnisés par rapport à leur homologue européen moins favorisé. Toujours pour dire, ne vous plaignez pas, il y a pire ailleurs. Toujours la dévalorisation vers le bas. C'est vouloir oublier que le système français est paritaire et sa création repose sur la volonté des partenaires sociaux de mettre en œuvre, par l'UNEDIC, une structure reposant sur des cotisations salariés-employeurs et non sur un système étatique. Même si la collectivité nationale met la main à la poche pour certains chômeurs, en particulier de longue durée, ou les renvoie vers un système d'assistance qui assure un minimum insuffisant pour vivre dignement, il n'en reste pas moins que l'on doit évoquer la notion d'assurance chômage avec celle de cotisation donnant droit à des prestations. C'est bien ce système que Macron vise à terme. Vise à terme à soumettre à une plus grande tutelle de l'État. Le fait de dispenser, par exemple, les salariés de verser une cotisation d'assurance chômage et la tutelle renforcée de Pôle emploi n'est-elle pas la volonté de déposséder les salariés de leur droit à percevoir des allocations en fonction de cotisations versées ? La réponse me semble sans équivoque. Oui, Macron veut soumettre le régime d'assurance chômage au bon vouloir du gouvernement. Oui, Macron veut faire des économies sur le dos des chômeurs. C'était prévisible, programmé, et l'on peut s'interroger sur la réaction du responsable national de la CFDT qui s'insurge, mais un peu tard, sur la façon dont le gouvernement traite les chômeurs. Pure hypocrisie, diront les détracteurs de Berger, puisque le patron de la CFDT a toujours soutenu la politique de Macron, protestant que mollement face aux attaques sur le droit du travail, en particulier au niveau des licenciements, mais pas seulement. Les lois dites travail, surtout la 2, a marqué un recul important pour les droits des travailleurs, une précarisation de plus en plus importante de la main-d'œuvre en favorisant le recours au CDD, les sanctions contre les abus devenant quasi symboliques. Alors Laurent Berger, qui fait sa petite colère, naïveté ou duplicité ? Je vous laisse juge de la réponse à apporter. Je vous laisse méditer sous la canicule de l'avenir de l'assurance chômage et sous les mauvais coups de l'été. Bonnes vacances quand même, si vous pouvez encore en profiter. Et à jeudi prochain, si tout va bien.